là à quoi garde-moi. Là à une précieuse fontaine, l'eau gratuite et guérissante coule du mont Calvaire à la croix. Jusqu'à cette autre rivière, la bégette auprès, ou à la croix, à la croix, à la croix. Jusqu'au jour où j'arrive. Fidélité chaque jour, ta puissance illimitée dans tout l'espace et l'univers, sur toute la terre habitée, celui qui règne, un maître absolu, une loi incontestable. Voilà ce qui se fait, là dans les cieux et ici sur la terre, même sous la mer, tout s'incline devant nous. Quand tu dis un mot, il n'y a rien qui peut résister, s'opposer, refuser, car tu as le pouvoir de faire soumettre tout. Tu prends ces preuves maladies, carences et défaites, troubles et difficultés, ignorance et pauvreté, tu as tout sous ton pouvoir. Seigneur, que ta gloire descende pour consoler nos cœurs, pour s'apprendre les voies du Seigneur, séparer de l'incrédulité, amener Jésus sur la terre, reconnaissant qu'il est le même, en principe. Dans les moindres détails, il n'a changé d'aucune manière. Comme qui a vécu à Galilée, c'est le même qui vit à Christ. Les vivants, ressuscités, les glorieux, les vaincus, le grand roi. Oh, honneur à toi, Seigneur. Relève notre foi, réveille notre force, réveille l'identité de chacun, afin que nous soyons changés en nature. Le formalisme tombe, le découragement, la désorientation, l'affaiblissement, que ce soit dissipé de tous les nuages. Au nom de Jésus-Christ, rends les grands et les petits jaloux, les petits rois, pour chasser l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, pour chasser l'adversaire, tous les esprits de Dieu, les rachetés de Dieu, tous les confiants, Toi qui nous visites, Que l'honneur te soit rendu. Cet habit se manifeste. Étant maintenant le rideau rouge. Voilà. Le tapis rouge de bienvenue. Jésus-Christ. L'agneau parfait. Amen. Prie le péché. Prie la bienvenue à chacun. Pour te servir dans la foi. Et trouver solution à ces problèmes. Quel soit le problème. Dieu qui est la solution. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pour son amour merveilleux, son amour éternel, bien présent, encore frais et chaud. Dieu qui nous aime, au temps présent, en temps réel, Dieu qui nous aime, son nom soit béni. Son nom soit sanctifié, son nom soit glorifié, soit adoré dans chaque cœur et dans chaque bouche, que son nom soit adoré, soit loué et béni. Alléluia. Il est un refuge, un appui. Il est le rocher d'Israël. Il est un secours qui ne manque jamais. Il est Dieu chaque jour. Dieu immuable. Son nom soit élevé. Nos cœurs l'aiment. Amen. Nous l'aimerons et nous le servirons. Amen. Jusqu'au bout du combat. Nous l'aimerons et nous le servirons. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il reçoive de notre part l'amour que nous avons reçu de lui. L'amour dont il nous aime. Nous le donnons en retour. Nous l'aimons. Lui nous a aimé le plus. Il est un Dieu amour. Un Dieu palpable. Un Dieu réel. Une onction vivante. Une onction réelle. Il est votre explosion. Dans son service. Il est cette explosion. Explosion. Même les esprits qui passent seront attirés. Parce que Dieu passe ici. Fait quelque chose. Oh, il y a l'explosion. Le surnaturel. Le miraculeux. Le prodigieux. Le vivant. Jésus-Christ est son nom. Merci Jésus. Élevons la main. Merci Jésus. Pour toi l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Et ton cœur. On nous te louons. Nous t'adorons, Jésus. Agrée nos prières. Les enfants de Dieu, nous qui t'ont adressé. Tout qui t'a été dévoilé. Pendant les moments de prière personnelle. Appelez au nom de Jésus. Appelez sur les chaînes. Mon Père ne nous tient pas compte. Ne nous tient pas rigueur pour nous inquiéter. Pour nos faiblesses et nos péchés. Fais-nous dans le sang. Le sang de Jésus-Christ. Et qu'il purifie chacun. L'arbre chemin de chacun. Et toi, nos voix. Et toi, nos habitudes. Nous semblons à Christ. Exauce-nous, Dieu vivant. Au nom de Jésus. Envoie l'exhortation dans nos cœurs. Bien chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que sa gloire soit sur toi. Amen. Que sa gloire te visite. Amen. Que sa gloire te console. Amen. Relève ta force prédestinée. Ce que tu es n'est pas encore parfaitement ce que Dieu a prédestiné. Dieu dans sa prédestination t'avait vu dans une forme, dans un état, tu n'es pas encore arrivé. Ce qu'il a déjà fait, il dit déjà fait. Ce qu'il reste à faire, il est fidèle pour poursuivre. Il le fera. C'est lui qui vous appelez est fidèle. Il fera cela. Il vous rendra inébranlable. Dans la paix. Amen. Et dans la joie du salut. Amen. Il vous rendra inébranlable. Dieu a prévu de le faire. Il sanctifiera tout entier. Amen. Et vous rendra inébranlable. Glorieux. Sans tâche, Nereida, inassemblable, là je vous appelle fidèle, il le fera, amen. Il le réalisera, il l'achèvera, prends-le au mot, alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans la Bible ici, la Sainte Bible. Nous lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jérémie, chapitre 23. Lémia, mon capot. Nous prenons le verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Amen. Amen. Montote, pour le colandolote, on a ikubuka, libanga, nandako mike mike. Nandako mike mike. 1 Corinthiens chapitre 3. Bah, connaissez l'ambo, mon capteur, l'anisato. Verset 11 à 15. Bon, le mazomi n'a manqué aucune zomi à l'étano. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Amen. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Oke moto akoki kotia moboko mosusu te bobele yango esili kotongama yango Yesu Kristo. Soko moto nani akotonga likolo na moboko yango litongi na wolo, soko na palata, soko na mabanga, na motuya, soko na matiti, soko na isolele. Mosala na moto na moto ekomona na poele. Gambi mokolo yango ekomonisa yango mpo ete mokomonana na moto na moto mpe moto na moto mpe ekosololisa motindo na mosala mosalaki moto na moto. Soko mosala motongi moto ekowumela ye akozwa libonza. Soko mosala na moto ekojika ye akozanga kasi akobika ye moko lokola na nzela na moto. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Je vais vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce passage de la parole sont tellement profonds, instructifs. Ils nous enseignent la parole qui sont là. Dieu ici, il dit que sa parole est comme un feu. Elle est comme un marteau qui brise les rocs, qui brise les rochers, les grosses pierres, plus grosses que les moellons, qu'on utilise pour faire des fondations des grandes maisons, des matériaux du gars. La parole de Dieu est comme ce marteau-là qui brise les rocs. Et elle est comme le feu pour dévorer, pour brûler, pour éprouver. Et le feu de la parole qui doit éprouver chacun. Chaque travail, chaque ministère, chaque esprit, amen. C'est la parole qui doit éprouver. Que la parole du Seigneur est comme ce feu-là qui doit traverser les œuvres des gens. Et c'est elle qui a le dernier mot. Qui dira ce qu'il en est. La parole. Elle dira ce qu'il en est. Elle révélera l'identité. La nature de chaque œuvre. Paul, dans 1 Corinthiens 3 ici, 1 Corinthiens 3, il dit ceci, c'est que nous avons lu. Personne n'ose poser, le verset 11, un autre fondement que celui qui a été posé. Et le fondement éternel, l'unique fondement éternel, nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons aucun autre fondement, aucun recours. C'est Jésus-Christ. Tout doit se baser sur Jésus-Christ. Même pauvre âme aimée chanter sur Christ. Le roc solide, je m'attends. Tout autre fondement n'est que du sable mouvant. Ce n'est que du sable mouvant, du sable mouvant. Sur Christ. Le roc solide. Je m'attends. Moi aussi, je m'attends. L'église véritable se tient là. Le chrétien véritable se tient là. Quiconque aspire à devenir chrétien se tient là. Tes espérances éternelles, c'est là. C'est en lui seul que ça existe. Personne ne peut poser un autre fondement en dehors de celui qui a été posé, Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, nous parlons tous de Jésus-Christ. Il y a plus de 1000 dénominations. Parmi ceux qui comptaient être chrétiens, 900 et quelques. Certainement qu'aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, c'est plus de 1000 dénominations. Les églises qui naissent du système qui naissent. Et chacun est en train de bâtir toujours au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, c'est le matériel qu'il aura choisi. Avec de l'argent, c'est le matériel qu'il aura choisi. Des pierres précieuses, ça c'est une autre pièce. Du bois, ça peut être les bois rouges ou les bois blancs, les bois de coffrage, ça peut être les bois de chauffage, des variétés du bois, ça peut être du bois noir, ça peut être du cèdre. Quelqu'un a choisi du bois. Et dans le monde, quand quelqu'un nous prend du bois de cette catégorie, on est tous en train de bâtir. Utilisant le nom de Jésus, parlant au nom de Jésus, prêchant au nom de Jésus, priant au nom de Jésus, baptisant le Père au nom de Jésus, parlant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et parlant quand même du Fils de Jésus-Christ. Les saints utilisent les bois, les autres les pierres précieuses, les autres de l'or, l'argent. D'autres du foin, d'autres du chambre, d'autres du mais l'œuvre de chacun sera manifestée. Amen. Amen. Avez-vous l'assurance dans la parole? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Qui est la lumière, la verra connaître. C'est pour ça que j'aime dire laissons le temps au temps. Avec le temps, tout ce qui est caché se dévoile. Vous voyez maintenant la folie de tous ces faux ouais de Kinshasa. Les uns sont dans la moutakalisation. Les autres procèdent à des attaques directes en public. Les soi-disant ouais de Dieu. Les populaires qui ont été brebis, vous voyez comment avec le temps Dieu est en train de l'envoyer. Il se lance maintenant des attaques directes et on révèle des secrets de leur vie. Frère, vous verrez de nouveau la différence. Quand Dieu promet une chose, il est sérieux dans sa promesse. Si tu n'arrives pas à voir la différence, tu n'as pas Dieu. Mais si tu as Dieu, tu dois voir la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Et tous les arbres de même nature se rassemblent. Les oiseaux de même plumage se regrouperont. Mais on a utilisé l'adage qui dit, montre-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Montre-moi où tu vas à l'église. Et je te dirai quel genre de chrétien tu es. Tu ne peux pas te camoufler indéfiniment. L'œuvre de chacun sera magnifique. Alors ce l'aura dit dans Luc chapitre 2. Après avoir enseigné qu'il faut éviter l'hypocrisie. Il dit là. Il n'y a rien de caché. Dans les côtés qu'ils doivent être révélés. Ni des secrets qui ne seront pas connus. Les temps au temps. Toutes les choses cachées, c'est dévoilées. Attention seulement. Les natures cachées des uns des autres. Apparaîtront au grand jour. Ne désespérez pas. L'œuvre de chacun sera manifeste. Même chacun de nous ici. Dans l'église. Autant d'amis qu'on a fait à l'église, à l'assemblée du message, les choses secrètes que vous faites. Dans les mois, la nuit, à l'absence de frères et sœurs, Dieu paie pour les racheter. Dieu amènera ça au grand jour. Il y a un jour qui révélera ça. Peut-être que ce jour-là n'est pas encore arrivé. Peut-être que ce jour-là est proche des fois de deux semaines. Et pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être d'une année. Mais il y a un jour qui vient que Dieu a dit. Et ce jour-là, les secrets sortiront. Craignez Dieu. Mettez fin au péché. Mettez fin aux iniquités. Préparez-vous de suivre. Préparez ce qui doit être. Confessez le mal et allons à genoux devant Dieu pour nous humilier et nous attendre à sa gloire. La humilité précède la gloire. Et tu ne sais que dis amen. Tu aimes les conseils de sagesse de Dieu. Et voilà qui viennent tout aisément. L'œuvre de chacun sera magnifique. Que tous ici nous invoquons le nom de Jésus. Même dans nos prières ici dans cette église. Et ne prie pas au nom de Jésus. Mais l'œuvre de chacun sera magnifique. Amen. Car le jour la fera connaître. Le jour fera connaître l'œuvre de chacun. Il y a un jour où ça se dévoilera. Même si tu as serré les bouts, comment? Même si tu mourrais. Mais il y a un jour où ces choses se dévoilent. Même pendant que tu seras dans un cercueil, dans une le jour la révélera. Le jour la fera connaître. Il y a un jour que Dieu connaît. Alors craignez Dieu pendant qu'il est temps. Amen. Réparons nos vies comme il se doit. Rejetez les rancunes. Les inimitiés. Cherchez l'amour divin. N'ayez de problèmes envers personne. N'ayez des dents à régresser contre personne. Ce que Dieu veut voir en vous, c'est l'amour. Et l'amour que nous avons reçu de lui. Dieu nous a aimé quand nous étions coupables. Il nous a aimé quand nous étions indignes d'être aimés. Vous devons aimer même ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Tu dis amen. Amen. Quand tu aimes ce qui mérite d'être aimé, qu'est-ce que tu fais de spécial? Quand tu aimes ce qui t'aime, qu'est-ce que tu fais de spécial? Tu savais que toi es un chrétien? Tu l'as dit niais. Mais aimer vos ennemis. Voilà ce qui va te distinguer. Et on saura que toi tu n'es pas comme tout le monde. Comment quelqu'un te met ta mort, mais tu l'aimes quand même. Oui, je l'aime de la manière dont Dieu m'a aimé. Quand j'étais ennemi, Dieu m'a aimé. Il a pris l'inimitié et il m'a accueilli dans son royaume. Fais de moi son enfant. Je ne méritais pas tout ça. Mes péchés me disqualifient. Mon intégrité m'avait rejeté. Mais Dieu l'a accueilli quand même. C'est une faveur non méritée. J'apprends par là à offrir aux indignes la faveur sans mérite. Amen. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. La parole qui est le feu. Voilà, il y a rien de secret qui doit être connu. Ni rien de caché qui ne sera révélé. Tout sera dévoilé. Cette parole est un grand feu. Il menace quiconque. Il s'est rusé. Il a camouflé ses forfaits. Mais il a la facilité de parler du mal des autres. Donc, ma mère baninga sukari trop. Ma mère baninga elengi na munoko. Mais il y a un moment au bon maca. mais mon collègue. Dieu qui est juste. Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Il jugera tous les humains sur la seule base de sa parole. Comme l'a enseigné, prière de sa parole. Il ne va favoriser personne. Dieu là, t'humiliera. Dévoilera ta face cachée. Bien aimé, craignons Dieu. Pendant qu'il est encore temps. Soignons notre vie spirituelle. Alignons-la à la parole de Dieu. Ne cherchez pas à être ridiculisé un jour. N'attendez pas ce moment-là pour enfin vous réveiller. Arrête de fréquenter le mauvais chemin. Arrête de poursuivre cette mauvaise voie. Arrête, Dieu t'appelle. Arrête, il fait quoi, c'est repentant. Il ne fait pas de ton enrichissement. Il ne fait pas de chair flexible. Tu peux entendre aussitôt la voix de Dieu. De changer de décision. Car les jours la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. C'est le feu de la parole qui éprouvera. Hein? Amen. Pensons-y. Pendant que nous parlons ici de la résistance à l'épreuve. Qu'est-ce qui va subsister après cela? Quand l'épreuve passera, quand l'épreuve se poursuivra, qu'est-ce qui restera de toi? Où a-t-on sujet? Écoutez ici, Frère Nam dit, dans la parole infaillible de Dieu, du 6 avril 1922, la parole infaillible est un feu que personne ne peut éteindre. C'est déjà allumé, c'est déjà en route. Rien ne va arrêter ce que la parole a dit. C'est qu'il a dit, va se faire obligatoirement. La parole est faillible de Dieu. Il est avril 1956. Aujourd'hui, lorsque nous voyons que dans notre grande économie, et dans notre grande civilisation, dans laquelle nous vivons, beaucoup de choses sont en train d'être construites pour la popularité. L'objectif c'est de pas trop de plaire à Dieu, ce n'est pas même de faire la volonté de Dieu, mais beaucoup de choses sont en train d'être construites. Des clubs, des associations, des églises, des groupes d'hommes, un petit tam-tam à côté, les églises naissent comme des champignons, un petit rêve à gauche à droite, une église de là. Mais tout ce qu'ils font là, c'est la passion, la volonté de Dieu. C'est pour la popularité. Quand on parle d'eux, pour se faire connaître. Beaucoup de choses sont construites comme ça. Or le Seigneur a dit, dans Matthieu 7, verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, voilà, c'est lui qui entrera. La volonté de Dieu, on l'a fait à titre individuel. Mais ni sur les groupes, ni sur les associations, ni sur les noms des églises, vous devez accomplir la volonté de Dieu personnellement. Car le salut que Dieu donne est un salut individuel. Il est bien dit celui-là seul. Il appartient à un groupe qui ne fait pas la volonté de Dieu. Mais toi pour ta part, dans ta manière de servir Dieu, dans ta manière de marcher avec Dieu, dans ta manière de croire Dieu, fais la volonté de Dieu. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, que la volonté de Dieu soit faite. Bien sûr que nous sommes d'accord. Amen. Voilà, ne fais pas la volonté de toi-même. Pour ça, la fais la volonté de Dieu. La volonté de toi-même te mènera à la perdition. À la destruction. La volonté de Dieu te conduit à la vie éternelle. Nous avons cité ce passage hier. En Jean 2, verset 17. Le monde ne passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternelle. Voulez-vous? Faites la volonté de Dieu. Faites-la avec joie. Faites-la avec plaisir. Faites-la avec satisfaction. Soyez chaque fois satisfait quand vous faites ce que Dieu vous a demandé. Mais si vous faites autre chose, vous soyez l'un des plus malheureux qui soit. D'être trouvé en dehors de la parole. Avoir fait autre chose que ce que Dieu a demandé. Et répandez-vous alors. Revenez vite sur la ligne. Sur la ligne du devoir. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Dans notre grande économie, dans notre grande civilisation, dans laquelle nous vivons, beaucoup de choses sont en train d'être construites pour la propriété. Beaucoup de maisons sont érigées juste dans, par rangée. Vous voyez tous ces camps où les gens construisent ces camps. Par rangée, maison type 1, maison type 2, faire des choix, ils ont investi, ils construit. Au temps de Noé aussi, ils partent. Mais quand le déluge est venu, a tout détruit. La prophétie dans notre temps. Vous essayez des entrées de construire toujours en groupe. Oh, des maisons qui sont ici. Que vous êtes absorbés dans le projet. Ma maison, c'est le bloc 8. Oui. Oh, c'est le bloc 83. Et c'est le troisième rangée ici. Vous êtes en train de bâtir ensemble. Comme le temps de Noé. Et ces maisons sont rangées par là. Vous avez dit que c'est pourquoi? Vous restez démolir ça. Ne pensez pas que ça va s'exister. L'épreuve de la parole vient. La parole a prévu comme tribulation. La grande tribulation est prévue. Elle va démolir ces choses-là. Les maisons jumelles, les maisons similaires, les maisons IPA, construites ensemble pour la beauté de la cité, l'esprit de la vision, un coup d'œil. On verra détruire aussi ensemble. Miséricorde. Voilà. Beaucoup de maisons sont périgées. Juste dans par rangée. C'est bien rangé. Pour démolir ça. Beaucoup de ponts. Et d'autres choses qui sont construites ne résisteront pas au test à cause des matériaux moins chers dont ils sont faits. N'avez-vous pas vu des routes à usage unique au Congo? Vous pouvez résister au test? Peut-elle résister à l'épreuve? L'épreuve du temps. Plusieurs routes qu'on avait rénovées. Et on fait aujourd'hui des nids de poules. Les lacs d'eau. Les lacs Mazengele. Et les lacs ceci et cela. Mais on a pris même le nom de certains dirigeants politiques pour coller à ces lacs. Les lacs artificiels. Vous voyez, frère? Des matériaux moins chers. On a détourné le surplus d'argent. On a acheté la qualité médiocre des matériaux. Les conséquences, les années ne comptent pas et tout est détruit. Miséricorde. Beaucoup de ponts. Et d'autres choses qui sont construites ne résisteront pas au test à cause des matériaux moins chers dont ils sont faits. Et il en est ainsi de beaucoup d'églises qui sont bâties sur des théories. Oui, madame Moto, non pas quelques églises, mais beaucoup d'églises. Ils avaient été baptisés en Mingi. Tabernacle, toi tu es baptisé. Mon nom, mon avocat, c'est ton ami, ton ami. Répondez-moi, église. Oui, madame la mari. Ne clignez pas les yeux. Vous êtes sérieux à ce sujet-là. Vous avez notre église, c'est parole sur parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole confirmée de leur action. Celle qui a été confirmée par la colonne de feu. C'est ça que nous défendons. Et la biblique est scripturaire. Elle demeure éternellement. Beaucoup de faux. Les qui sont construits n'existeront pas au test. À cause des matériaux moins chers, d'autres ne sont pas. Hein? Et il en est ainsi de beaucoup d'églises. Ils sont bâtis sur des théories, des doctrines et des dogmes. Miséricorde. Elles ne résisteront pas au test de la parole. Ici dans 1 Pierre chapitre 1, qu'est-ce que l'Esprit nous rappelle? Oh chers amis, la parole de Dieu, tenez-la pour comme le seul fondement. Il est dit, verset 23 à 25, et que vous avez été régénérés. Non par une semence corruptible. Toute semence, toute doctrine d'homme, c'est corruptible. Théorie d'homme, corruptible. Doctrine d'homme, corruptible. Dogme d'homme, conçu par l'homme. Ça ne peut pas vous régénérer. Sachez-le. Mais si vous voulez être régénéré, c'est par une semence incorruptible. Amen. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Voilà la seule chose qui doit justifier votre expérience. Il doit expliquer votre expérience. Ça doit être la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Mon propre, mon popolaté, Kassina, Oro, Eko. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ce n'est pas du tout durable. Ça ne résiste pas à la chaleur du soleil. Oh, la chaleur du soleil n'est pas un feu littéral. Des rayons solaires qui chauffent. Mais tout homme qui ne subsiste pas, qui s'y combat ça. Il s'efface. Par les rayons solaires, vous venez la moto à feu réel. Si vous mettez cette fleur dans un feu, dans un foyer de feu réel, combien de temps? Si les rayons solaires qui viennent de très loin, à des millions d'années, des millions de kilomètres, mais ça frappe la fleur ici. La fleur faiblit. Elle perd sa beauté, son éclat. Elle sèche même. Et après l'avoir perdu toute vie, elle tombe. Ça, c'est l'effet des rayons solaires. Mais prenez ça, allez mettre dans un foyer où il y a du bois de chauffage. Amen. Ça ne fera même pas une grille. Tout est déformé et réduit en fait. Les preuves de la parole, c'est la véritable preuve de feu. Et si vous pouvez réussir à l'épreuve de la parole, c'est qu'alors vous êtes fait en matériau durable. Il faut vous en sortir. Écoute. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Et cette parole est celle que vous avez, qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Matiti makauki pe kelele ikoi. Neni le vanankole ijali kouwime la teko. Nino vayango ijali sangomalamu oyo et sakolami epaina binu. Et quand Dieu envoie sa parole pour nous éprouver, il faut nécessairement que nous soyons affligés. Il doit y avoir quelque chose qui nous afflige. L'affliction, c'est ce mal que vous ressentez au cœur. Quelque chose qui fait mal, qui est indisposé. Qui fait comme vous sentir bizarre. Et une chose que vous dites, ça ne devait pas être. Mais quand Dieu envoie les preuves, il faut qu'il y ait l'affliction. Amen. Que vous soyez affligés. Écoutez dans Romains 5. Un chemin obligatoire. Le verset 3 et 4. Il est dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Amen. Ces choses qui affligent là. Nous nous glorifions des afflictions. Nous trouvons notre gloire dedans. Nous trouvons notre gloire là-dedans. Au moment où vous êtes affligés, sachez que la gloire de Dieu est proche. La gloire de Dieu vous environne. Dites que la gloire de Dieu te visite ce soir. Amen. Amen. Il faut que tu sois appris. Parfois par une vérité de la parole. Pendant que tu t'es senti affligé là, Dieu est en train de te mettre dans le rayon de sa gloire. Oh, c'est merveilleux. Nous glorifions même des afflictions. Amen. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Or, si quelqu'un que Dieu afflige profite de l'affliction pour se dégrader, pour se décourager, pour refiler, donc alors il a échoué à l'épreuve de la parole. Oui, tu as échoué. S'il lui profite de l'affliction pour s'affaiblir, pour soi-disant perdre sa force spirituelle, décourage le ciel s'envole. Tu as échoué. Tu as raté une gloire que Dieu t'a offerte. Mon ami, ne commets plus pareil erreur. Nous nous glorifions même des afflictions. Amen. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Plus Dieu nous afflige, plus Dieu nous afflige, plus nous devons être pour lui. Est-ce que c'est le cas dans ta marche? Dans ta manière de servir Dieu, plus tu es affligé. Plus ça donne l'empressement d'être ce qui est censé se produire en vous par la parole. Si toi tu reposes de d'autres effets, tu es une mauvaise foi. Oh, ressaisis-toi mon ami. Rentre sur la ligne de foi. La résistance à l'épreuve. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Vous ne pouvez pas échouer. Il doit persévérer. Et pour réussir, il doit te glorifier des affliges. Sois joyeux dans les affliges. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a jugé digne de passer par là. Cette souffrance, par ce brisement de cœur, par ces douleurs-là, Dieu t'a jugé digne de passer par là. Parce qu'il te réserve une gloire. Amen. Dans les légères afflictions, produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Qui peut me donner le verset? Non, je vais vous faire un peu. Je viens de les citer. C'est un verset de la Bible. Quelqu'un peut-il me les citer? Me les donner? C'est quel livre? Approche par le livre de la Bible. Non, Corinthiens, non. Il n'y a pas un livre appelé Corinthiens. Voilà. Qui peut? Personne. T'appelles un chrétien. Vous ne connaissez pas ce passage? N'importe quoi, nous. 20 ans révolus. Donc nous allons dans les bureaux, nous les cas. Et n'importe quoi, nous sommes. Personne. Et ça, c'est une bise, ouais. C'est une honte. Sony. Le canal au bas. Il a sonné. Il a sonné. Il est dit à bas. Il a sonné ma carte. Sonné ma carte. Ça le demande à mon gosse. Il a sonné ma carte. Voilà. Voilà comment nous échouons les textes. Un passage si familier. Si vous allez là-bas, va et viens à l'église. Tout le monde est venu, tout le monde est venu. Et voir le passage. Personne, ni frère, ni soeur, vraiment. Et tel que nous sommes ici. Ne trichez pas. Ne trichez pas. C'est pas bon devant le Saint-Esprit de commencer à tricher. Toi tu penses qu'il pense que vous êtes en trichant? Quand on a l'eau là, qu'on a joué, tu as joué. Il a sonné. Il a sonné. Écoutez. Pourquoi? Le passage existe. Molongo va nous aller. C'est des Corinthiens. Et d'aller mon canami balayer avec Corinthien. Chapitre 4. Molongo ya mokapamine. Chapitre 4. Mokapo ya mine. Belkoate, livre de Corinthiens. Chapitre 4. Mokapamine baleva konete mokapo ya mine. Kata Zambi. Vraiment. Oui, va partager en été. Hein? Aujourd'hui, verset 17 et 18. Hein? Ngaï. Beaucoup n'ont pas eu le pouvoir maintenant, Romain, place aux Otanga. Quand on va dépasser la triche. Quand on va dire que ce que triche, c'est exactement où on essaie de mettre le triche. Il serait indigne et le premier à rentrer à l'hôtel. Pour comportement indigne. On a histoire de l'histoire. Pour le moment, on va rester là, on médite à la bombe. Bon, mais ils sont en train de déconnecter. Est-ce que les gens écoutent tout? Écoutez ça, Malélo. Je les dis tout. C'est la parole de Dieu. Amen. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire produit l'espérance. Amen. C'est ça. C'est vrai. Donc quand Dieu vous envoie les afflictions, sachez qu'il y a la gloire de Dieu dedans. Dieu vous tire de la vie du péché et de la honte et vous amène à la vie de gloire. Et que par les afflictions, par un brisement, vous devez passer par là. Pour acquérir l'humilité, l'humilité précède la gloire. Il dit, Et il en est ainsi de beaucoup d'églises, je rentre dans la citation, qui sont bâties sur les théories. Les doctrines étaient conçues par l'homme. Elles ne résisteront pas au test de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même en puissance, amen. Le même en principe, le même dans la guérison, il est maintenant le même qu'il a été autrefois, amen. Il a toujours été et qu'il sera toujours. Amen. Son attitude doit être la même. Amen. Chaque cas qu'il a traité. Si tu as un cas, donc tu sais que Jésus a eu déjà acquis ça. À travers le ministère de Frère Branham, à travers le ministère de Frère David, à travers le ministère de l'un des ministres que vous connaissez, ou à travers le ministre de la Bible, du temps de la Bible, dans les jours passés, les années passées, si tu sais que le cas que tu as, Jésus-Christ a une gâte et que tu crois que Jésus-Christ est le même, en puissance et en attitude, il doit avoir la même attitude à ton égard que l'attitude qu'il avait eue à l'égard du cas. Je crois mot à moi. Je crois parce que l'attitude va se faire. Faut savoir d'abord que Jésus est le même. Il ne changera pas l'attitude. Parce que c'est moi. Parce que je suis noir et qui noir. Parce que je suis congolais. Rien à faire. Jésus-Christ est le même. Il ne change pas de nationalité. Il a toujours été. Il change pas de nature. Il est ce qu'il a toujours été. La parole vivante et efficace. Il aura à ton égard. À l'égard de ton cas. La même attitude. Il a eu à l'égard d'un cas similaire. Il a toi tu as. Moi toujours que c'est comme ça. Je ne le critique pas pour dire, oh, j'ai beaucoup de choses. Quand je l'ai ici, mais c'est comme si c'était une personne. Et dans mon cas, ça commence à traîner. Je ne te trompe pas. Si tu te trompes. Je connais comme ça. Dieu, l'ami, il fait chaque chose bonne en son temps. Ah, ça pas de comparaison charnelle. Pour quand il fait une comparaison d'aveugle. Pour avoir ta bête dans le monde de la société. Dieu, et il sait ce qu'il fait. Il est dans les gens, il il vous soumet une épreuve. Il connaît où il fait, vous savez. Et il fait là, dans 1 Corinthiens 10 ici. Et le 10 ici. Vous connaissez aussi ça. Oui, c'est un peu. Le verset 11 et 12. Donc, qu'est-ce que je parle? Je parle le verset 12 et 13 plus tôt. Pour avancer plus vite. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Et Dieu, qui est fidèle, mm-hmm. ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Afin que vous puissiez... Amen. Amen. Chaque tentation, l'épreuve qui vous surviendra, quand elle vient, Dieu a déjà placé la force en vous. La force de résistance. La force d'endurance. Nous n'avons jamais l'épreuve au hasard. La force est déjà là. Soyez tranquille, croyez Dieu. Il fait chaque chose bonne en soi. Il fait tout à merveille. Il sait ce qu'il fait. Amen. La force est déjà là. Et quand l'épreuve débite, lui prépare déjà la voie. Il apprête la voie de sortie. À travers de l'arbre. Épreuve yo, au commun de la monde, boyer, toboyer, toboyer. N'a ce qu'elle est oyaye. Mais il faut foi na yo et saisir présence ensemble pour accéder à ce secret. Parce que vous ne le connaîtrez pas automatiquement. Souka épreuve yo et vous allez boyer. On est à ce qu'elle est ensemble. On a victoire na yo. A bomber yo, c'est qu'elle est victoire. Toi, tu dois garder la foi, ne jamais faiblir dans la foi. Mais être fermement croyant. Quand ça flige, augmente ton zèle. Si l'ennemi redouble, redouble son courage, non, redouble d'effort, nous chantons que vous redoublez le courage. Le diable a caché ce qu'on connaît dans le sous-magas collégal. Yo, joie, courage, n'a yo, t'es au foie des. Amen. Dis-toi, je suis fort. Dis-toi, je vaincrai. Dis-toi, ce n'est pas plus fort que moi. Mais il y a une force plus grande que ça, moi. Je ne vais pas chercher cette force. Ni dans le jeûne, ni dans la prière. Mais la parole me dit que quand Dieu envoie l'épreuve, la force est que j'ai envie. Amen. Amen. Mais parole ici est péché et yango. Bonjour le kamakasse au dessous. Et si elle est, on doit faire un Dieu dit que ça est déjà là-bas. Dans ton aveuglement, de prière, de groupe de prière. Dame, fais ça comme un casse-tête, vous voyez. Fais ça comme un casse-tête, vous êtes un collègue. C'est quoi ça? Arrêtez l'incrédulité. Saisissez la foi. Amen. Et quand la foi saisit la parole, vous comprenez que la foi c'est pour vendre chaque épreuve. Quel que soit le moment où il va commencer, nous n'avons pas cherché ça dans les jeunes, ni dans les prières. Pour l'épreuve, ça y est déjà. Amen. La parole dit que ça y est en vous. Mais votre foi doit croire ça. Amen. Mais dis moi, mais je ne sens pas ça. Le juste ne dit pas parce qu'il sent. Le juste dit parce qu'il croit. Et ce qu'il croit vient de la parole de Dieu. La parole dit que la force est déjà là. Amen. Ce que Dieu va faire après le déclenchement de l'épreuve, ce n'est pas de vous donner la force. Vous allez faire ça. Essayez de préparer la voie de soin. Nazela Elonga. Atika te matambe na yo ebima nazela Elonga. Ata pase yendonge. Ata mekamo eyebo. Makasi, matakami. Mais Zambé abomba matambe na yo nazela ya Elonga. Sur la voie de sortie que lui a fait. Nous sommes d'accord. Amen. Oh, écoutez. Okay. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais maintenant, comme il dit, j'en ai pas une abattoir. Je vais vous raconter que vous avez dit. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Parce que vous puissiez la supporter. Amen. Voilà le secret de la résistance à l'épreuve. Ne jamais renier la parole. Ne jamais contredire la parole. Ne jamais douter de la puissance de Dieu. Ne jamais douter de ce que Dieu vous a donné comme ça. Ce qu'il a déjà donné est là. C'est pour toi. Christ. que ta foi demeure ferme. Même si l'ennemi tente comment, de quelle manière, est-ce que nous résistons au diable avec la force de pompage? Il n'est pas écrit que vous allez lui résister avec la force. Bien que pour résister, vous avez besoin de force. Oui. Quand on dit résister, c'est faire opposition. C'est opposer une force à la force qui vous combat. Vous utilisez une force pour résister. Il n'y a pas de résistance à l'épreuve sans force. Bien aussi. Et des fois utilisé par Dieu pour nous éprouver. On a commis qu'un seul. Peut utiliser un démon. Peut utiliser une maladie. Peut utiliser le diable. Peut utiliser un frère. Peut utiliser des membres de famille pour nous éprouver. On a commis qu'un seul. Mais nous allons résister comment? Avec une foi ferme. Donc votre foi ne doit s'accrocher qu'à ce que la parole dit. Votre foi ne doit répéter que ce que la parole dit. Mais quand vous répétez la parole, c'est un feu qui sort de votre bouche. La parole de Dieu comme un feu qui s'accroche. Quand elle est répétée si tellement, il sent que cette œuvre voit du feu. Il ne pourra pas tenir longtemps. Jésus-Christ. Et son attitude doit être la même envers chaque cas. Sinon, il s'est trompé la première fois. Lorsqu'il a traité ce gars, il l'avait fait. Or le Seigneur ne se trompe jamais. Amen. Alors tenons nous à la parole. C'est ce que Frère Branham continue à dire dans le signe de sa venue. L'Italie c'est lié. Dilembo, c'est le 7 avril 1962. Je prends le paragraphe 63. Comment savoir, Frère Branham, ce qui est juste et ce qui est faux? Réponse comme hier, dans la parole parallèle à la semence originale, soumettez-les au test de la parole. Cela vous dira s'ils ont raison ou pas, s'ils ont tort ou pas. Tenez-vous-en juste à cette parole. Amen. Voulez-vous? Amen. Tenez-vous-en juste à cette parole. Et voyez ce qui arrive. Voyez, présentez simplement la parole là. Et voyez leur position. Quand vous éprouvez les esprits, quand vous éprouvez les ministères, les œuvres des gens, présentez la parole. Et voyez leur position. Et voyez ce qui arrive ensuite. Oh, eh bien, voyez. Oh, alors, éloignez-vous. Aussitôt, quand il commence à dire, oh, eh bien, vous voyez que les malédictions commencent à éloignez-vous. Tenez-vous-en juste à cette parole. Eh bien, si donc on avait donné à Miché le test de la parole, il aurait prouvé qu'il était à 100% en accord avec nous. Or, ils ont dit une minute. Voyez, Dieu nous a donné cela. Au lieu d'emprunter le chemin du test de l'épreuve de la parole, non. Ils sont allés prendre la lettre de la parole écrite sous forme de lettre. On se cache là-bas. On les territoires appartiennent à Israël après tout. Sans spiritualité, sans révélation. Ils sont allés mourir comme des mouches. Incroyable. La lettre tue. L'esprit divinité. Connecté à l'auteur de la parole. Alors, Dieu nous a donné la promesse du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. La promesse est pour chaque génération. Pour chaque génération. Même votre génération. Génération. Considérez la promesse. Vous voyez, il s'agit de nous. Amen. Ça veut dire nous. Amen. Moi et toi. Amen. Moi et vous. Amen. Mais c'est sous condition. Vous ne pouvez pas obtenir cela n'importe comment. Vous devez suivre les instructions. C'est exact. Amen. Et c'est justement dans l'application des instructions que tombe l'épreuve de la parole. Il ne résiste pas. Il ne résiste pas. Et c'est encore à reprendre. Et Dieu nous aide chacun. Et nous a à la parole. Respectons les instructions. Et nous vaincrons chaque épreuve. Tu vaincras chaque épreuve. Plus il y a des afflictions, toi augmente ton zèle, augmente ton courage, augmente ton amour s'il est possible. Aime Dieu davantage. Même si tu dois passer par toutes sortes de preuves, ne te décourage jamais. Dans les afflictions, il y a la gloire. Nous avons dit que dans les afflictions, il y a. Soyez affligés. Amen. N'est-ce pas que c'est une promesse de béatitude? Amen. Heureux ceux qui sont affligés. Amen. Car ils seront consolés. Autant mieux passer par là. Vous méritez la consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Il ne manquera pas de tes consolations. Et Dieu te bénisse. Maintenant, debout pour la prière. La prière finale, maintenant. Tentez et prouvez nous, nous demandons pourquoi c'est ainsi. Les longs des jours, pendant qu'il y en a d'autres autour de nous, quoique dans les mains sont infinis plus tard. Voici seulement numéro 27, page 9. Courage, mon père. né dans la lumière, ne comprendra d'un peu de temps, qui danse jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort, dit le maître. Notre la paix est bientôt finie. Les peines du chemin seront oubliées. Nous franchirons la belle porte. Plus tard, nous saurons ce qu'il a dit. Plus tard, nous comprendrons le pourquoi. Jésus venir dans la gloire. Nous verrons Jésus venir dans la gloire. Quand il vient de sa maison céleste, nous les rencontrerons dans ses palais. Nous les rencontrerons dans ses palais. Nous comprendrons tout d'un peu de temps. Alléluia. Tout d'un peu de temps. Et plus tard, nous saurons ce qu'il en est. Plus tard, on comprend. Allez, pourquoi? Courage, courage, mon frère, vis dans la lumière, ne comprenant tout d'un peu de temps. On est plus tard, nous saurons ce qu'il a dit. Merveilleux et bien-aimé. Notre Père céleste et éternel. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te glorifions et te sanctifions. Pour cette belle soirée que nous avons. De nous tenir dans ta présence. De t'adresser nos prières. D'écouter une parole d'exode. De recevoir les rayons de ton amour. La chaleur divine. Qui a traversé nos êtres. Le feu de ta gloire que nous voulons voir nous visiter, mais tu l'as répandu dans la douceur, dans la simplicité, pour donner à chacun une force dans la marche avec Dieu, dans ce voyage de la vie. Pour cela, nous te sommes tous reconnaissants. Nous ne voulons pas regarder dans la vie, car nous ne sommes pas passés au vide, nous ne sommes pas. Tu as fait quelque chose pour nous. Soutien davantage. Encadre davantage. Donne plus de capacité. Est-ce que tu nous fasses parvenir là où ta vision nous arrive? Avant la fondation du monde. Ce que tu veux que nous soyons. Chacun pour sa part. Parce que le salut est individuel. Oh Seigneur. Apporte-nous ce secours. Cette transformation. Amen. Cette résistance à l'épreuve. Que chacun puisse périr. Amen. Sans tenir strictement la parole. Quel que soit ce qui arrive. Que nous nous identifions à la parole. Prenions position pour la parole. Chaque jour, partout, chaque fois, résister au diable, avec une foi ferme dans la parole de Christ. Soutiens cette église. Pardonnez ses faiblesses. Amen. Son âme n'est dit. La négligence. Supporte nos prédéteurs. Amen. Et donne à chacun la capacité de chaque fois qu'il sache que rien n'arrive au hasard. Amen. Dieu est stratège. Il fait tout à merveille. Et que nous purifions nos cœurs. Et que nous soyons clairs devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes là arrivés à l'étape terminale. Alors,